Ya, dis mal, conscience lyrics, politique mafia, BLB, dis mal, conscience lyrics, dis mal, ya, dis mal, dis mal. Leur position dans l'action, voiture fonction. Les pots de vin, les prennent en cachet même en action. On dit qu'il y a trop de corruption, où sont les sanctions? Toujours les mêmes à qui on présente l'addition. Leur position dans l'action, voiture fonction. Les pots de vin, les prennent en cachet même en action. On dit qu'il y a trop de corruption, où sont les sanctions? Toujours les mêmes à qui on présente l'addition. À tous les niveaux, l'escroquerie de rigueur. C'est au JT de 20h, on a affaire aux gangsters. Du politicard en costard, prêt à tout pour Jean A. Même faire voter les morts pour avoir plus d'électeurs, j'te parle de millions, ouais j'te parle de milliards. Et j'te parle davantage en nature, du genre se faire offrir et faire des choses à une barre. Ou encore avoir 100 mètres carrés sur les Champs-Élysées, au loyer moins élevé qu'un HLM de cité. D'état, d'autres affaires, peu de factures au pot de vin. Marre de voir aussi ma gueule en tant que citoyen. C'est dans les hautes sphères qu'agissent les gangsters. Leur position donne action, voiture fonction. Les pots de vin les prennent en cachet même en action. On dit qu'il y a trop de corruption, où sont les sanctions? Toujours les mêmes à qui on présente l'addition. Leur position donne accès aux voitures fonction. Les pots de vin les prennent en cachet même en action. On dit qu'il y a trop de corruption, où sont les sanctions? Toujours les mêmes à qui on présente l'addition. Ça crapule en haut, les plaques et tentacules à tous les pôles importants de la justice. Et puis ça manipule, pas d'éthique ma foi, politique mafia. Du politique en costard qui vend des armes de guerre. Au Lascar, au Costa Smicar, vendeur de BR. La balance judiciaire penche en faveur des pleins pouvoirs. Rare de voir un haut fonctionnaire au placard. Ils ont même inventé l'immunité. Ça sert quand ils sont convoqués chez le juge. Abrège les procédures, empêche les procès d'aboutir. Ils ont les ballons et volent au-dessus des lois. Je suis pas non, ou bien j'aurai leurs avocats sur moi. Ça prend les journalistes en pantin. Putain, dans les infos, s'ils en disent trop, ils mettent leur veto. On met tampon, secret d'état pour noyer poisson. Hi. Leur position donne accès aux voitures fonction. Les pots de vin les prennent en cachet même en action. On dit qu'il y a trop de corruption, où sont les sanctions? Toujours les mêmes à qui on présente l'addition. Leur position donne accès aux voitures fonction. Les pots de vin les prennent en cachet même en action. On dit qu'il y a trop de corruption, où sont les sanctions? Toujours les mêmes à qui on présente l'addition. En 2002, demain, juin, ce fut les mois des records. L'équipe de France éliminée au premier tour, vas-y pleure. À l'élection, y avait un port, au second tour, t'as eu peur. Des second tours, on s'est réunis autour du France Black Blamber. Genre, on est tous solidaires, les jours de malheur. Mais on oublie très vite la douleur, faut atterrir maintenant. Et masque, qu'ils préparent, ça fait pas rire les plans. Leur position donne accès aux voitures fonction. Les pots de vin, les prennent en cachet, même en action. On dit qu'il y a trop de corruption, où sont les sanctions? Toujours les mêmes à qui on présente l'addition. Leur position donne accès aux voitures fonction. Les pots de vin, les prennent en cachet, même en action. On dit qu'il y a trop de corruption, où sont les sanctions? Toujours les mêmes à qui on présente l'addition. Tu m'as, hi, politique mafia, BLB, yo, l'album dans ma vie, le 8-5 février dans le backyard.